C'est le temps du bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et encore une fois, cette semaine, je me suis senti comme un petit enfant d'un magasin de bonbons à Saint-Saëns. Écoutez, j'ai reçu l'album Sugar Crush, en français s'il vous plaît. J'ai reçu l'album Portrait de Julie Kim. Et aussi Suzanne Kennelly Jazz EP de Suzanne Kennelly de Winnipeg. Cet ex-employé de Radio-Canada qui a décidé comme ça de se payer un petit EP. Elle a écrit 5 belles chansons jazz que je vais tourner de temps en temps. Et ce soir, je vous envoie tout simplement au point où j'en suis, Suzanne Kennelly. Vraiment intéressant, faites ça sur l'Internet, vous allez adorer. Par la suite, on va entendre une chanson de Christelle Plamondon qui s'est payée, je pense, c'est 2005-2006. Elle s'est payée un album jazz majoritairement en anglais, mais avec 2 chansons francophones. Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Et aussi, C'est l'amour, c'est ce que je vais vous envoyer. Très belle chanson, très beau timbre de voix. La Cajun Queen de Calgary peut être aussi la Cajun Jazz de Calgary. Parce qu'elle a une très belle voix et le jazz lui va très bien, vous allez voir. Par la suite, on va terminer ce petit bloc avec Sourire demain de Marie-Josée Ouimet, dont j'aimerais donc qu'elle nous fasse un 4e album, parce que j'adore sa voix, j'adore son univers blues, assez intéressant. Et Robert Walsh, qu'on va entendre plus tard au cours de l'heure, eh bien... C'était son guitariste, son partner in crime, et ça sonne assez bien, merci. Pour l'instant, voici Au point où j'en suis, Suzanne Kennelly. Je ne dors plus, le sommeil est un piège, un puissant sortilège dont je suis prisonnière. Je ne dors plus, car c'est toi que je vois et dont j'entends les pas quand je ferme les yeux. Je ne bois plus, c'est ta voix qui m'enivre et tes mots me délivrent de toute ma raison. Je ne bois plus, car de la coupe aux lèvres brûle une violente fièvre, impossible à guérir. J'ai oublié comment résister, résister, aussi bien succomber. Au point où j'en suis, j'ai perdu mes repères, mon destin est tracé, aussi bien succomber. Au point où j'en suis, je ne mange plus, je préfère consommer des fantasmes inventés pour combler mes errances. Je ne mange plus, affamée de tendresse et de toutes les caresses qui me font frissonner. L'hécatombe de notre amour qui plombe est ma seule ambition. Je ne ris plus, ma valise est bouclée, mon cœur est séquestré, sublime tentation. J'ai oublié comment résister, résister, aussi bien succomber. Au point où j'en suis, j'ai perdu mes repères, mon destin aussi bien succomber. Au point où j'en suis, oh, j'ai oublié comment résister, résister, aussi bien succomber. Au point où j'en suis, j'ai perdu mes repères, mon destin est tracé, aussi bien succomber. Au point où j'en suis, au point où j'en suis, c'est l'amour qui fait rêver. C'est l'amour qui fait qu'on s'aime. C'est l'amour qui fait pleurer. Mais tous ceux qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer, oui, tous ceux qui croient qu'ils s'aiment ne pourront jamais pleurer. Dans l'amour, il faut des larmes. Dans l'amour, il faut donner. Et ceux qui n'ont pas de larmes ne pourront jamais aimer. Il faut tant et tant de larmes pour avoir le droit d'aimer. Thank you. l'expliquer. Laisse-moi juste pleurer. Laisse-moi juste pleurer. Je pourrais sourire demain. Demain, je pourrais rire, me tourner vers le soleil. Je pourrais braver le monde. Demain, peut-être. Que j'adore cette belle voix qui est celle de Marie-Josée Ouimet, tirée de son album L'Heure Bleue, c'est Sourire Demain. Une belle composition, très beau texte, très belle mélodie, guitare, piano, voix, c'est vraiment intéressant et j'adore ça. J'aimerais donc qu'elle nous fasse un autre album parce que cette fille-là est vraiment, elle a quelque chose, elle a un univers particulier. Fort intéressant que à chaque fois que j'écoute ça, je suis en transe presque. J'adore Marie-Josée Ouimet que j'ai prénommée ma muse parce que de son premier album à son troisième, L'Heure Bleue, je ne fais qu'adorer ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment magnifique. Son guitariste, Partner in Crime, comme je le disais, c'est Robert Walsh, qu'on va entendre dans quelques instants. Lui a tiré de son album No Time Like This Time, encore là, album majoritairement anglophone, mais deux chansons francophones. Il y a cette excellente chanson, très jazzy, guitare, une belle guitare jazz, qui s'appelle Lucidité. Vraiment, j'adore ça. Donc, ça va tourner dans quelques instants. Par la suite, je vais faire tourner Colinda, tirée de l'album Entre toi et moi, de Jocelyne Baribeault, qui est en ce moment est à Petite-Vallée pour les rencontres qui chantent et puis suivre des ateliers d'écriture comme ça. Donc, puis elle aussi, j'ai hâte qu'elle nous sorte un deuxième album grand public. Et on va terminer ça avec un beau souvenir de Ariane-Marie Clemire tiré de son premier album Double Entendre. C'est instantané, vraiment une pièce très énergique. Mais pour l'instant, voici Lucidité, Robert Walsh. L'air porte une odeur de pluie. J'ai perdu toute envie de sortir. La maison, je prends refuge dans ma télévision. Les vignes d'ivresse ont perdu leur saveur. Ma bouche appelle une cigarette. J'ajoute le feu en ma santé. Pour un instant de lucidité, j'ai l'âme mélancolique. Mes mouvements sont statiques. Jour après jour,